Chapitre 21e, le garçon livreur. Dans la journée, Paulin Broquet se présenta chez le concierge de l'immeuble dont le docteur occupait un des appartements. Il avait envoyé l'amorce précédemment s'enquérir de ce qu'étaient les locataires, prendre leur nom. L'amorce connaissait maintenant la maison et ses habitants comme si toute sa vie s'était écoulée dans cet immeuble. Il donna à son chef tous les renseignements désirables sur la composition des familles des locataires, leur façon de vivre, leurs habitudes. Paulin Broquet écoutait, et sans rien écrire, il casait des notes dans sa mémoire prodigieuse. Une des locataires, jeune et fort jolie, très élégante, recevait quotidiennement des envois de grands magasins ou de modistes. « Bon, » pensa Paulin Broquet, « voilà mon affaire. » Le lendemain, dans l'après-midi, l'amorce aux aguets envoya un homme qui le secondait téléphoner au chef, et selon un langage convenu, que le docteur Huger venait de quitter la maison avec un de ses amis, qu'il était avec cet ami, lequel n'était pas le prince Grigoriski, monté en auto et avait disparu dans la direction du boulevard Saint-Michel. Peu après que la mort sut fait connaître cela à Paulin Broquet, une voiture de livraison d'un grand magasin s'arrêta devant la maison. Un garçon livreur, en casquette de cuir, en livrée, descendit de la voiture, portant un énorme carton. À la concierge, habituée à entendre prononcer le nom par les garçons livreurs, celui-ci donna simplement le nom de la coquette cliente. « Troisième étage, » répondit la concierge, sans lever le nez de son ouvrage. « Je sais, » répondit le garçon livreur, « ce n'est pas la première fois que je viens, je m'en doute. Je vous demandais seulement s'il y a quelqu'un chez elle. Je crois que madame y est. Dans tous les cas, la bonne. La bonne, ça me suffirait. Pourvu qu'elle ait des ordres et ne me fasse pas revenir. Enfin, je vais voir. » Le garçon livreur passa dans la cour, le petit jardin, et entra dans le corps de bâtiment qui faisait suite. Il monta les escaliers. Cette dame demeurait au troisième, à droite, mais par une singulière distraction, le garçon livreur, qui sans doute pensait à autre chose, s'arrêta au deuxième étage, et il sonna à la porte de gauche. Après un assez long moment pendant lequel le garçon livreur entendit qu'on fermait diverses portes, le domestique se décida à ouvrir la porte. Le garçon livreur, carrément, entra dans l'antichambre, faisant devant lui passer le gros carton qui fit reculer le domestique. Le domestique, d'ailleurs, n'opposa pas grande résistance au désir du garçon livreur. Il n'essaya pas de repousser le carton monumental. Alors, entré dans l'antichambre, le garçon livreur déposa à terre le carton et dans un portefeuille se mit à chercher une facture. Mais le domestique lui dit en anglais que probablement il faisait erreur. Le garçon livreur ne comprenait pas l'anglais. Il ne saisit pas le sens de la phrase du domestique et lui donna comme il put, avec force geste, à entendre qu'il venait livrer la commande de la maîtresse de la maison. Le domestique anglais hocha la tête. « Il n'y a pas de maîtresse de maison ici. » Le garçon livreur voulut insister et montra, pour mieux se faire comprendre, la facture. Le domestique lut, et alors, élevant la main, il désigna l'étage au-dessus. « C'est là que demeure cette dame, au troisième. Ici, c'est le deuxième. » Le garçon livreur, reconnaissant alors qu'il s'était trompé, s'excusa et se retira. Montant l'escalier, il se dit « J'aurais dû me douter que ce n'était pas là. Ici, ce sont des Anglais. » D'abord, pas moyen d'en douter. Il venait de l'antichambre des senteurs opiacés, des relents de tabac anglais. Mais le garçon livreur semblait être d'une distraction excessive. Il monta bien l'étage au-dessus, il sonna à la porte indiquée, mais alors il ne demanda plus la personne dont à l'étage du dessous il avait dit le nom au domestique anglais. Ce fut la bonne qui cette fois vint lui ouvrir. La porte ouverte, le garçon livreur commença par déposer dans l'antichambre les cartons de livraison, puis, tirant son mouchoir, il s'essuya le front, se plaignit que les étages de Paris augmentaient de hauteur chaque jour, enfin il donna un nom. « Deux étages au-dessous !» lui dit la bonne. Le garçon livreur poussa un soupir, se chargea lentement, et après une plaisanterie qui fit rire la bonne, il redescendit l'escalier. Il passa donc encore devant la porte du docteur Huger. Sur le palier, il s'arrêta et consulta son carnet, tout en s'appuyant machinalement à la porte du docteur. Et comme il était un peu essoufflé, il respirait largement, il reniflait, il sentait, si je puis dire, à longs traits. « Oui, oui, » fit-il enfin, « c'est bien cela, pas de doute, celle-là. » Alors il descendit, et sa distraction ne l'abandonnant pas, voici que passant devant la porte que la bonne lui avait indiquée, il oublia de sonner, et qu'il remporta ses cartons sans remettre ce qu'il devait livrer. Il regagna la voiture qui attendait dehors. « Rentrons !» dit-il seulement au cocher. Le cocher fouetta son cheval et reconduisit le garçon livreur vers l'autre bout de Paris, à l'avenue Trudaine. Là, le garçon livreur, muni encore d'un paquet dûment ficelé et emballé dans du papier marron, pénétra dans une maison faisant l'angle de la rue Rodier et de l'avenue Trudaine. Il est probable que cette fois le garçon livreur n'avait plus de distraction, car il sonna à la porte d'un appartement qui fut peu après ouverte. Il ne dit qu'un mot, domestique accourut et pénétra dans l'appartement, dont il connaissait admirablement la disposition, car ayant remis le paquet qu'il portait au domestique, il ouvrit une porte et se trouva dans le cabinet de travail du locataire. Dans ce cabinet, un homme attendait, qui, à la vue du garçon livreur, se leva et salua militairement. « Bonjour, chef !» Et Paulin Broquet, souriant, commença à se dévêtir. « Je sais ce que je voulais savoir, mon garçon, » dit-il à Gabriel. « Le prince, le vrai prince, est retenu chez le docteur Huger. Vous êtes entré dans la maison, chef ?»« Non, elle est bien gardée. Le domestique anglais est un homme de la bande, on ne peut le rouler. Mais je n'ai pas eu besoin de pénétrer dans l'appartement. Jusque dans l'escalier, l'odeur de l'opium arrivait. À mon sens, ils doivent tenir ce malheureux pour avoir de lui tous les renseignements nécessaires et préparer les réponses dans le cas où il faudrait que le nouveau prince eût à débattre avec le général. En effet, le général connaissait le prince véritable et pourrait, suspectant le nouveau, demander quelques détails précis sur le passé, sur le père, sur la maison de là-bas, sur l'enfance, enfin sur ce qui ne s'invente pas et qu'il faut connaître, sous peine de voir l'imposture bientôt démasquée. C'est exact. Alors il garde ce pauvre diable, et moyennant quelques pipes d'opium, il lui arrache, bribe par bribe, ses souvenirs, sa vie, son secret. C'est assez dramatique d'ailleurs, cette scène d'un homme qui, pour payer son vice, se vend lui-même peu à peu. Paulin Broquet ajouta, « Et c'est assez adroit de la part de ceux qui tiennent ce singulier prisonnier. Car si l'on s'étonnait de sentir cette odeur d'opium, que bien des personnes ne peuvent supporter, la réponse serait prête. Chez un docteur, l'usage de l'opium est tout naturel. En effet, ces hommes sont adroits.